الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد سيجي on continue quant à la biographie ou plutôt l'étude de la biographie du prophète عليه الصلاة والسلام. Donc il y a une différence entre le fait de dire étudier la biographie du prophète عليه الصلاة والسلام et lire ou écouter la biographie du prophète عليه الصلاة والسلام. Donc là on est dans l'étude de la biographie du prophète عليه الصلاة والسلام. On essaie de tirer le maximum de moral pour pouvoir inshallah ta'ala les mettre en application. Et حقيقةً, on s'était arrêté dans la bataille de l'Ahzab, le dernier cours, il y a à peu près maintenant un mois et demi ou deux mois, mais il y a l'enregistrement qui n'a pas pris. Et de toute façon, je n'avais pas fini le cours sur Ghazwatul Ahzab, qui est appelé aussi Ghazwatul Al-Khandaq, la bataille des coalisés ou bien de la, des tranchées ou de la tranchée. Et ici, je vais reprendre le cours, Inch'Allah Ta'ala, ça servira de révision. Et de toute façon, comme je vous ai dit, on ne l'avait pas fini le dernier cours. Donc on s'était arrêté à l'an 5 de l'Hégire, l'an 5 de l'Hégire au mois de Shawwal, et on avait dit qu'on avait cité plusieurs complots organisés par les associateurs, et à leur tête il y avait les juifs, et on avait dit et on avait cité les trois tribus juives, les trois tribus principaux qu'il y avait chez les juifs ici à Médine. Il y avait trois tribus qui résidaient avec le prophète alayhi salatu wassalam. Il y avait les Banu Qaynuqa, les Banu Nadir, qui ont été chassés, expulsés, d'accord, ils sont partis vers Khaybar. Et il y avait les Banu, Banu Qaynuqa, Banu Nadir, et quelle est la troisième tribu? Banu Qurayza, d'accord, la troisième tribu, Banu Qurayza, la seule tribu qui était restée ici à Médine auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Toutes les trois tribus étaient régies par des clauses, par des pactes, par un contrat qui avait été ici effectué entre eux et le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam a vécu, comme on l'avait expliqué déjà, avec les Yahoud, avec les Juifs. Donc il a vécu avec des associateurs. D'accord? C'est eux qui ont trahi les contrats qui étaient mis en place par le prophète alayhi salatu wassalam, et eux-mêmes avaient accepté ces contrats-là. Donc ils les ont trahis à ce moment-là, et ils furent chassés, expulsés de Médine. Donc il restait la troisième, et là on est à l'an 5 de l'Hégire, il restait la troisième tribu qui est Banu Qurayza. D'accord? Donc on avait dit il y avait Banu Qaynuqa, Banu Nadir et Banu Qurayza. Donc ici il y avait, après qu'il y ait eu les nombreux complots contre le prophète alayhi salatu wassalam, ils ne se sont pas arrêtés là, ils ont essayé de faire ce qu'on appelle une coalition. Donc les juifs ont été voir ici les chefs de tribu, et pas n'importe quelle tribu. Le chef de la tribu qui était Banu ou Abu, on avait vu ça, Abu Sufyan. Ils ont été voir la tribu d'où? De Quraysh. Pourquoi? Ils ont été voir les Arabes. D'accord? Les Arabes pour s'associer avec eux. Pas que les Arabes d'ailleurs, mais les Arabes pour s'associer avec eux pour attaquer le prophète alayhi salatu wassalam. Donc regardez, ils ont vu que de eux-mêmes, en s'alliant entre eux, ils n'ont pas pu déstabiliser le groupe qui était le groupe uni du prophète alayhi salatu wassalam et de Sahaba radiallahu ta'ala anhum wa ardhahum. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été voir ici, ils ont été voir les tribus d'où venaient les compagnons radiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum. Ils ont été voir les Arabes, d'accord, car eux, ils savaient que eux-mêmes étaient des Arabes. Ceux qui étaient avec le prophète alayhi salatu wassalam, c'était des Arabes pour la plupart. Le prophète était un Arabe, donc ils se sont dit, on va les attaquer de l'intérieur. Regardez la stratégie qui a été adoptée à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, et qu'on a retrouvée, yani, au fil du temps. Ala ayy hal, ala kulli hal. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le désir de chef des Banu Nadir, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, on va se venger du prophète alayhi salatu wassalam et l'expulser de Médine. Et ils sont partis voir Abu Sufyan. Abu Sufyan, il a accepté. Et ils ont été voir d'autres tribus juives. Ils ont tous accepté. Et ils ont fait ce qu'on appelle la coalition. C'est pour ça qu'on appelle cette bataille Ghazwatul Ahzab, la bataille de la coalition, car il y a eu coalition entre les associateurs, d'accord, entre les dénégateurs pour attaquer le prophète alayhi salatu wassalam. D'où cette appellation de cette bataille Ghazwatul Ahzab. Et il y a aussi l'appellation qui est donnée à cette bataille qui est Ghazwatul Khandaq. Khandaq, c'est-à-dire on parle d'une tranchée ici. Pourquoi? On va le voir comme on l'avait déjà vu, Inch'Allah Ta'ala, par la suite. Allah Azza wa Jal, il parle de cette coalition dans le Coran al-Karim, il dit: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. Allah Azza wa Jalla dit avec une traduction approximative: n'as-tu pas vu cela à qui une partie du livre a été donnée? Ajoutez foi à la magie et au tawagut, à tawarit, ceux qui transgressent de façon générale les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dire en faveur de ceux qui ne croient pas, ceux-là sont mieux. Regardez, ceux-là sont mieux guidés sur le chemin que ceux qui ont cru. Donc ils ont fait des glorifications, d'accord? Ils ont fait l'éloge de qui? De Quraysh. Al-Yahoud, ils sont partis voir Quraysh. Et ils ont dit, vous, ce que vous adorez, fait ou est meilleur que ceux qu'ils adorent, c'est-à-dire Muhammad alayhi salatu wassalam et Sahaba. Ils les ont glorifiés, d'accord? Si vous voulez, dites aussi, ils leur ont mis de la pommade. Ils les ont amadoués. Ils les ont amadoués pour les mettre dans leur poche. Et eux, ils sont tombés dans le panneau. Ils ont été fiers de ces éloges-là. Et après la proposition venant de la part d'eux, venant de la part de l'Yahoud, donc des Juifs, pour ici attaquer le prophète alayhi salatu wassalam ou ses tribus ou différentes tribus juives pour attaquer le prophète alayhi salatu wassalam, ils ont accepté. Abu Sufyan, chef de Quraysh à l'époque, il a répondu tout de suite oui. Ils étaient combien? On avait dit ils étaient 10 000, à peu près 10 000 hommes. Ils se sont rassemblés en tout à peu près, hein, et ils étaient à peu près 10 000 hommes pour attaquer le prophète alayhi salatu wassalam et les compagnons qui eux ont réussi à regrouper en tout combien? On l'avait dit 3000 hommes, en tout 3000. Regardez à chaque fois la différence de nombre qu'il y avait entre eux. Ici, les agresseurs, car on les appelle les agresseurs, attention, hein, on les appelle les agresseurs. Car quand le djihad a été légiféré, ici dans le Coran al-Karim, quand le combat a été légiféré dans le Coran al-Karim, c'était à quel moment? C'était pour djihad ou dafa. Ah, le premier djihad qui a été légiféré en islam par Allah Azza wa Jal. Dans le Coran al-Karim, c'était quoi? Quel type de guerre? Quel type de combat, si on veut? C'était le combat de défense. D'accord? Ils n'ont pas attaqué. C'était une défense. Donc là, on appelle, c'est qui les agresseurs? C'était le prophète ainsi que les compagnons? Ou alors c'est les différentes tribus juives à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam qui se sont alliés avec qui? Avec Abu Sufyan, qui était le chef de la tribu de Quraysh, et avec les Arabes. C'était qui les agresseurs? C'était eux. Donc c'est les agresseurs, on les appelle les agresseurs. Pour bien comprendre ici et bien expliquer aux musulmans et aux non-musulmans que le djihad, le combat a existé en islam et que le combat a été légiféré avant tout pour se défendre. C'est une défense. C'est-à-dire il n'y a pas agression, il n'y a pas de défense, il n'y a pas de combat. D'accord? Ça ne veut pas dire djihad, agression, on tue femmes et enfants, on répand le sang et tout ça c'est gratuit, au nom de quoi? De la haine, etc. Abadan, il n'y a pas de ça. Faut bien comprendre et expliquer quand a été légiféré al-djihad fi sabilillahi azza wa jal, le combat dans le sentier d'Allah azza wa jal, à quel moment le combat est légiféré et quel type de guerre ou de combat, si on veut, a été légiféré. C'était le combat de défense. Ils se défendaient. Femmes, enfants étaient tués ou allaient être tués, bien sûr qu'ils se sont défendus. Et regardez le prophète alayhi salatu wassalam. Quand il a expulsé les différentes tribus juives, les premières tribus juives, quand il y avait Banu Qaynuqa, il y avait Banu Nadir qui sont partis à Khaybar et autres, est-ce que quand il a vu leur rébellion, il les a tous ou il a donné l'ordre de les tuer tous? Abadan. Il leur a laissé la voie libre. Quitter Médine, tout simplement. Le prophète alayhi salatu wassalam. Et l'islam, allons plus loin, l'islam n'a jamais appelé à répandre le sang ou à vouloir la guerre jour et nuit ou à voir... Quel être humain censé sur la surface de la terre, musulman ou non musulman, voudrait pas qu'il y ait la paix dans le monde? Tout le monde voudrait. Pas une personne censée voudrait le contraire. Tout le monde voudrait. Donc, mais ici, quand le prophète fut agressé, bien sûr, c'est de la défense. Même au jour d'aujourd'hui, on l'appelle légitime défense. Donc ici, ils sont partis avec 10 000 hommes à peu près, contre 3 000 hommes. Et donc, voilà, ici, l'association qui a été faite, ou plutôt la coalition avec les associateurs de Mecca, les juifs de Khaybar, les juifs de Banu Qaynuqa, dernière tribu à l'intérieur de Médine. Et le prophète alayhi salatu wassalam, quand il fut informé de ce qui se passait, par ici il y avait aussi des indiques, bien sûr à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, d'accord? Il y avait, si on veut, des personnes qui renvoyaient ou qui apportaient les informations au prophète alayhi salatu wassalam, d'accord? Donc ça c'était des indiques, d'accord, qui avaient été mises en place pour la sécurité al-amn, la sécurité des musulmans, des croyants, et pour garder la stabilité au sein de la communauté. Donc le prophète alayhi salatu wassalam fut informé et c'est là où il a demandé conseil. Wa shawirhum fil amr. Fa idha azamta fatawakkal ala Allah. Allah azza wa jalla a donné l'ordre au prophète alayhi salatu wassalam dans le Coran al-Karim et il dit quoi? Et consulte-les dans les affaires. D'accord? Quand tu as pris ta décision, c'est qui tranche? Le prophète alayhi salatu wassalam. Quand tu as pris ta décision, fatawakkal ala Allah, place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc nous le croyant, qu'est-ce qu'on fait? D'accord? Tu prends les causes et tu prends les causes en étant intelligent. Tu utilises les meilleures solutions, les meilleures façons, les meilleures techniques pour faire ou mettre en place les causes de la meilleure façon, ensuite tu places ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Amma comme disent les ulama, rahimahumullah tabaraka wa ta'ala, et ceci est une chose claire et évidente, si tu utilises les causes sans placer ta confiance en Allah azza wa jal, hadha dhalal, ça c'est un égarement. Ou l'axe, aïdan. Si tu places ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala sans faire les causes, ça c'est quoi? C'est un égarement. Je veux le paradis, je fais rien. T'es égaré. D'accord? Je veux du travail, mais je fais rien. Je place ma confiance en Allah azza wa jal. T'es égaré. Khalas, je veux du travail, je fais les causes, mais je place pas ma confiance en Allah azza wa jal. J'oublie le principal. T'es dans un égarement. Khalas, on place notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et bien sûr, en parallèle, on utilise les causes. Le prophète alayhi salatu wa salam, il a fait les causes, il a consulté as-sahaba radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Est-ce que le prophète pouvait consulter tous les compagnons? On a dit qu'il avait réuni combien d'hommes? 3000 hommes. Est-ce que le prophète alayhi salatu wa salam pouvait consulter 3000 hommes? Vous imaginez, 3000 hommes, c'est quoi ton avis? C'est quoi ton avis? C'est quoi ton avis? 3000. Déjà, il y aura combien d'avis? Allez, on casse la part en 2500 avis. Allez, au mieux. Ou alors, au pire, ça peut être 2000 ou 2500 avis différents, si ce n'est 3000 avis différents. Comment le prophète alayhi salam va trancher? C'est pour ça que certains gens de science ont expliqué Al-Aya min kitabillahi azza wa jal wa shawirhum fil amr. Ils ont dit, c'est Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa minhum man qal Abu Bakr wa Umar. C'était les plus proches du prophète alayhi salatu wa salam. Ça, il faut le comprendre. Et ça, c'est des règles à prendre et à appliquer à Yawal Akhir à partir du moment où on a une responsabilité envers la communauté. C'est-à-dire, on sait très bien que dans toute collectivité, il faut des responsables. Et à la tête des responsables, un responsable. Si celui qui est à la tête de ces responsables ne sait pas qu'il faut appliquer de cette manière les décisions ou la prise de décision, qu'est-ce qu'il va faire? À titre d'exemple, dans une mosquée. Est-ce que dans une mosquée, on peut consulter tous les musulmans qui sont concernés par la mosquée? C'est possible ou pas? Pour prendre une décision. Genre, donc on va choisir la couleur d'une peinture. Ah, Allah Azza wa Jalla dit wa shawirhum fil amr. Le prophète alayhi salatu wa sallam, celui qui quoi? Alladhi la yantiqu 'anil hawa qala jalla wa ala wa shawirhum fil amr. Fama dhannuka bi ana wa anti 'Abdullah? Qu'est-ce que tu vas dire concernant ma situation, ma personne et ta personne? Alors qu'Allah il a ordonné au prophète de faire la consultation. Il va dire ah, je suis responsable avant de choisir la couleur de peinture, je vais consulter toute la ville ici. Allez, vas-y, frappe dans les portes et consulte. Regardez où peut amener, dans quel égarement peut amener yani la personne à partir du moment où il a mal compris ce que Allah subhanahu wa ta'ala voulait lui faire comprendre. Donc il a mal compris les versets coraniques, il a mal compris la sunna authentique du prophète alayhi salatu wassalam. C'est les plus proches, ceux qui sont le plus concentrés autour de cette responsabilité. Clair? Amma, le prophète c'est lui qui tranchait, car il faut une personne qui tranche, et dans toute collectivité, comme on l'a déjà dit, il faut un responsable, un gouverneur, un responsable. Sinon c'est quoi? C'est al-fawda, c'est la zizanie, c'est l'anarchie. Chacun va prendre ses décisions, chacun va pas être content des décisions. Allah Azza wa Jalla, le prophète alayhi salatu wa salam ont décidé ainsi, c'est comme ça. Même dans as-safar, dans le voyage, c'est quoi la sunna dans le voyage? S'il y en a 3 qui voyagent, 4 qui voyagent, 10 qui voyagent, c'est quoi sunna? La sunna authentique, c'est quoi? C'est d'élire un émir dans le voyage. Naam, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a enseigné d'élire un émir quand tu voyages. Tu es à 4, tu es à 5, on dit c'est toi l'émir du voyage. C'est-à-dire, c'est toi qui tranche dans les décisions, c'est ça que ça veut dire. Pourquoi? Toi tu vas voyager. Regardez le prophète, il y a 14 siècles, il ferme les portes à quoi? À la division. Au problème, à la dissension, à la haine qui peut avoir d'un frère envers un autre frère. Donc on ferme les portes. Il y a un émir qui tranche. Moi je veux aller là, moi je veux manger maintenant, moi je veux iftar maintenant, moi je veux aller faire ça maintenant, moi je veux aller dans le magasin. Khalas, dis ce que tu veux. Ala kulli hal, le résultat ça sera quoi? As-sakina, la sérénité, car tu as obéi au prophète alayhi salatu wassalam. Et qu'est-ce qu'a dit le prophète? On prend un émir et ce émir là il tranche. Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Washawirhum fil am. Consulte-les. La décision finale, c'est qui? C'est l'émir qui la prend. Donc, moi, je décide, on mange à 1h. Ou on mange à 13h. On mange à 14h. Ensuite, on va là, on va dans tel endroit. Et que tu le veuilles ou non, que tu acceptes cette décision ou pas, tu dois te soumettre à cette décision. Pourquoi? Car à travers cette soumission, en face ou envers cette décision, tu t'es soumis à qui? À Allah et son messager. Tu t'es soumis au quoi? Au commandement divin. Car le prophète lui-même ne parle pas. Par quoi? Poussé par sa passion. Mais ce n'est qu'une révélation émanant de son Seigneur. Alladhi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Hakada. Quand les musulmans ont compris ça, il y aura une stabilité dans toutes les collectivités musulmanes. Mais malheureusement, on n'a pas compris ça chez la plupart des musulmans. Ala ayyi halin ala kulli hal, le prophète alayhi salatu wassalam, il les a consultés et il a consulté les compagnons. et les têtes des compagnons. Et parmi eux, il y avait qui? Salman al-Farisi. Salman al-Farisi. Salman le Perse. Salman le Perse. C'était un arabe ou pas? Il y a une longue histoire, je pense que vous la connaissez concernant sa conversion. À la kulli hal, on sait que Salman al-Farisi, comme Bilal et comme beaucoup de compagnons, ce n'était pas un arabe. Salman al-Farisi, et il a marqué l'histoire de l'islam. Il fait partie des plus grands compagnons, et regardez, c'est lui qu'on citera. Le nom qu'on citera à chaque fois qu'on étudiera ou qu'on parlera dans toutes les époques jusqu'à la fin du monde concernant ou sur la bataille de Al-Ahzab, on parlera toujours de Salman al-Farisi, le Perse qui n'était pas un arabe. Et ça, c'est pour rappeler à l'ensemble de la communauté qu'il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de racisme dans la religion. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah Azza wa Jalla, avant de rappeler ce verset coranique, qu'est-ce qu'il dit? Ya ayyuhan nas, il s'adresse à qui? Aux gens, l'ensemble des gens. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. On vous a créé à partir de quoi? D'un mâle et d'une femelle. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا. Pourquoi? Et on a fait de vous des peuples et des tribus. Pourquoi? Pour quelle raison? Donc Allah Azza wa Jalla, c'est lui qui le dit. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu et il a décidé qu'il y ait quoi? Des différentes tribus, des différents peuples. D'accord? Des différentes langues. Ça fait partie des signes d'Allah Azza wa Jalla, comme Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim. وَمِنْ آيَاتِهِ. Parmi ces signes, c'est quoi? La diversité de vos langues. Allah, il le dit, la diversité. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu qu'il y ait différents peuples, différentes langues, différentes tribus, etc. Mais pour quelle raison, ya Allah? Allah Azza wa Jalla dit, on a fait de vous des peuples et des tribus, lita'arafu. Pour que vous vous entreconnaissiez. Regardez, pour que vous vous entreconnaissiez. Ensuite, Allah Azza wa Jalla, il rappelle, inna akramakum indallahi atqakum. Les plus nobles d'entre vous auprès d'Allah Azza wa Jalla, ce sont les plus pieux. C'est pas parce que tu es arabe, tu es plus noble que le Canadien ou l'Hollandais ou je ne sais quoi encore. Allah, il le dit, les plus nobles d'entre vous, ce sont comme les plus pieux, ceux qui craignent le plus leur Seigneur tabaraka wa ta'ala, la crainte pieuse. Khashiyatullah azza wa jal. Inna akramakum indallahi atqakum. Donc ici, Allah azza wa jal, il nous rappelle qu'il n'y a pas de racisme dans la religion. Et le prophète alayhi salatu wa salam, on voit à travers sa biographie, à travers l'étude de sa biographie, qu'il y a les compagnons qui ont marqué l'histoire qui ne faisaient pas partie des Arabes. Des compagnons qui ont marqué l'histoire, ils ne faisaient pas partie des Arabes. Salman al-Farisi, qui a donné cette idée-là. Quelle idée? Il a donné l'idée de creuser une tranchée tout autour de Médine. De creuser une tranchée. C'est-à-dire, vous savez ce que c'est qu'une tranchée? C'est-à-dire, on creuse une tranchée afin que l'ennemi, quand il vienne, il ne puisse pas, ou ça sert de une sorte de barrière, d'accord, d'obstacle si on veut, ici, pour pas yani, que les ennemis puissent atteindre Médine et rentrer à Médine facilement. Les archers cachés dans la tranchée, regardez un peu l'intelligence de Salman al-Farisi. Donc ici, quand ils allaient venir avec leurs chevaux, etc., donc ils ne pouvaient pas passer, il y avait une tranchée. Et donc ici, il y avait les archers cachés, et ensuite les archers ont commencé à attaquer, et l'idée, et cette idée a été reprise dans différentes guerres après l'époque, après la mort du prophète, ainsi que des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum, les tranchées. Regardez quelle idée qu'il a eue, Salman al-Farisi. Donc ici, il y a eu la tranchée qui a été creusée, et ici, il y a plusieurs récits concernant la tranchée, d'accord ? Ou cette tranchée-là, il y a eu plusieurs récits. Parmi ces récits, il y a eu des récits qui nous rappellent certains miracles du prophète alayhi salatu wassalam. Une matinée, de grand froid, le prophète alayhi salatu wassalam voyait les compagnons fatigués et affamés alors qu'ils étaient en train de trancher. Ou afwan, en train de creuser la tranchée. Alors qu'ils étaient en train de creuser la tranchée, le prophète un jour les a vus affamés. Donc il voyait le prophète alayhi salatu wassalam. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Miséricorde pour l'humanité. Donc il avait cette compassion envers Sahaba. Il savait très bien qu'ils ont sacrifié énorme pour être aujourd'hui près du prophète alayhi salatu wassalam et qu'ils allaient encore sacrifier pour l'amour du prophète alayhi salatu wassalam. Il les voyait en train de quoi? En train de se fatiguer énormément. Alors que c'était un matin de grand froid et alors qu'ils avaient très faim. Et même le prophète alayhi salatu wassalam lui-même cette journée-là, qu'est-ce qu'il faisait? Pendant qu'il creusait les tranchées, le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam, il avait mis une pierre autour de son ventre. Ici, il avait serré cette pierre autour de son ventre tellement qu'il avait al-jawah, la faim. Tellement qu'il était affamé, tellement que le prophète avait faim. Imaginez-vous, la faim, en plus de ça, tu sais que tu vas peut-être rencontrer la mort dans quelques instants. Et en plus de ça, il faut fournir de l'énergie pour préparer cette bataille. Donc là, il faut être fort psychologiquement, moralement et physiquement. D'accord? C'est pas simplement physiquement, c'est pas simplement moral. Il faut tout. Il faut être apte à 100% à affronter ici l'ennemi. Il faut garder ses capacités au top. C'est pas facile. Min al-mu'minina الرجال. Parmi les croyants, il y aura des hommes. Et à leur tête, il y a As-Sahaba, radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Donc ici, le prophète, alayhi salatu wa salam, après cela, comme il a relaté dans Sahih al-Bukhari et au Muslim, il a fait une invocation pour eux. Et il a dit, Allahumma la aisha illa aishul akhira. Allah, il n'y a de vie que la vie de l'au-delà. Il n'y a de vie que la vie de l'au-delà. Regardez, le prophète, alayhi salatu wa salam, il rappelle que, et ici, à travers son invocation, ici, il se motive et il motive à sahaba radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. C'est-à-dire, al-jaza, la récompense est bien, et bientôt elle est proche. Il n'y a de vie que la vie de l'au-delà. Ensuite, le prophète, alayhi salatu wa salam, il a dit, Allahumma ghafir lil ansar wa lil muhajirin. Allah pardonne aux ansar et aux muhajirin. Ça, c'est l'invocation de qui? Le prophète, alayhi salatu wa salam. Et il n'y a pas de doute que l'invocation du prophète, alayhi salatu wa salam, est acceptée. Est acceptée à 100% bi idnillahi azza wa jal. Il a invoqué en faveur des muhajirin et en faveur des ansar, et ensuite ils ont répondu, ils ont dit, Wallahi par Allah, nous sommes ceux qui ont prêté de faire le combat auprès de toi tant que nous sommes vivants, ya Rasulallah. Regardez, ils ont remonté eux-mêmes le moral au prophète alayhi salatu wa sallam, car il ne faut pas oublier que le prophète c'est un être humain. Le prophète a été triste, le prophète a eu mal quand on a lancé des accusations contre lui, contre son épouse. Le prophète alayhi salatu wa sallam a ressenti de la peur à certains moments, comme on l'a vu dans Tafsir al-Qur'an al-Karim. Le prophète alayhi salatu wa sallam a oublié. Le prophète alayhi salatu wa sallam est mort. Le prophète alayhi salatu wa sallam, c'est un être humain. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il leur a monté le moral et eux à eux-mêmes, ils ont rappelé au prophète alayhi salatu wa sallam, t'inquiète pas, on est avec toi. On va pas fléchir, on va pas faiblir. Nous, on est avec toi, ya Rasulallah. Et ensuite, ici, Al-Bara, rapporté par Al-Bukhari, rapporte qu'il avait vu le prophète alayhi salatu wa sallam ce jour-là, sa barbe couverte de terre. Le prophète lui-même, il travaillait. Comme je le rappelle et je le répète souvent, le prophète alayhi salam, il n'a pas dit, c'est moi la meilleure des créatures, donnez-moi la meilleure des temps, je reste à côté, je reste dormir. Abadan, le prophète alayhi salatu wa sallam, il a pris la pioche. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il a couvert sa barbe de terre, et même quand ils ont construit la première mosquée à Quba, ils ont construit la mosquée du prophète alayhi salatu wa sallam à Médine, le prophète, il était avec eux. Et le prophète alayhi salam, il a été toujours actif dans la communauté et surtout dans Ad-Da'watu ila Allah azza wa jal. Rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Rapporté par al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Jabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhu arda nous dit, alors que nous creusions la tranchée, un bloc difficile à casser apparut. Les gens allèrent en informer le messager d'Allah alayhi salatu wa salam et ils ont dit à Rasulallah, il y a dans la tranchée un bloc difficile à creuser. Celui-ci dit, je vais voir moi-même, et celui-ci, le prophète alayhi salatu wa salam, le ventre appuyé sur une pierre, prit le pic et en frappa le bloc en disant bismillah, et alors ce bloc s'effrita. Et ça, c'est parmi les miracles qu'a eu le prophète alayhi salatu wa salam. Il était plusieurs hommes forts à vouloir déplacer simplement cette brique qui était, ou cette grosse pierre qui leur causait problème dans la tranchée. Le prophète, il a dit bismillah, wallahu akbar, dans une version rapportée ou jugée bonne par Cheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. Il a dit bismillah, wallahu akbar, il a frappé et elle s'est effritée, cette pierre-là. Allahumma salli ala Muhammad. Parmi les miracles rapportés par al-Bukhari wa Muslim, Jabir radiyallahu ta'ala anhu arda, il a dit, quand j'ai vu le prophète alayhi salatu wa sallam creuser, Jabir, il dit radiyallahu ta'ala anhu arda, quand j'ai vu le prophète creuser, j'ai eu mal. Pourquoi? Parce que le prophète alayhi salatu wa sallam était en train de creuser lui-même. Regardez, imaginez-vous, la meilleure des créatures, il creusait. Il a dit, j'ai eu mal quand j'ai vu la pierre sur le ventre du prophète alayhi salatu wa sallam. Non seulement il creusait, mais il avait très faim, et c'est le prophète. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti chez son épouse. Et il lui a dit, qu'est-ce qu'on a à offrir comme nourriture au prophète? Et son épouse, elle a dit, on a une chèvre et un peu d'orge. Qu'est-ce qu'il lui a donné comme ordre? Il lui a dit, égorge la chèvre et prépare un repas. Pour qui? Le prophète, ainsi que le sahaba radiyallahu ta'ala anhum arda. Mais c'était combien de compagnons? 2, 3. Donc eux, ils avaient dans l'intention d'inviter 1 ou 2 ou 3 compagnons avec le prophète alayhi salatu wassalam. Donc ils ont commencé à préparer. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit à Jabir ibn Abdillah, il a dit, dis à ta femme de ne pas ôter la marmite du feu, de la laisser sur le feu, d'accord, jusqu'à ce que je vienne. Ikhlas. Le prophète alayhi salam s'est levé, il a dit, oh les muhajirin, oh les ansar, venez, ikhlas, il y a à manger. Jabir a dit à Rasulallah, il a dit, mais il n'y a que pour 2 ou 3 personnes. Ils sont venus à combien? À peu près 1000 hommes. 1000 hommes, il a ramené chez qui? Chez Jabir radiyallahu ta'ala anhu arda, alors qu'il a égorgé une chèvre. Il a égorgé une chèvre et il avait un peu d'orge. Il a apporté 1000 personnes. Il était en panique. Il est parti en courant chez son épouse. Imaginez-vous la scène. Il a dit, là, il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Le prophète, alayhi salam, il ne vient pas avec 2 ou 3, il vient avec 1000. Imaginez-vous 1000. Hein? Qu'est-ce qu'elle a dit, son épouse? Est-ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il est au courant de ce qu'on a préparé? Est-ce que le prophète, alayhi salam, sait ce qu'on a préparé? Il a dit, n'am, ici, moi, je l'ai prévenu, comme quoi, ici de ramener une ou deux personnes, ou si ce n'est trois personnes avec toi. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Allah subhanahu wa ta'ala, ou plutôt on laisse l'affaire à Allah et son messager. On laisse la situation, l'affaire, on la laisse entre les mains d'Allah azza wa jalla et de son messager. Regardez, at-tawakkul 'ala Allah azza wa jalla. Et elle savait que quoi? Ça, elle a prouvé à travers sa réponse qu'elle reconnaissait avec certitude que quoi? Que le prophète alayhi salatu wassalam était un prophète et un messager. Car ça relève de quoi? Ça relève du miracle, on le sait. Et ça, ces miracles-là sont propres à qui? Al-anbiya et wal-rusul, les prophètes et les messagers. Elle n'a pas été prise de panique. Il lui aurait dit encore 50, 60, 100, 200, 500, 1000. Imaginez-vous 1000. Donc imaginez-vous certaines femmes au jour d'aujourd'hui, et je ne condamne pas les femmes, hein, mais ça arrive. Quelquefois certaines femmes et même quelquefois certains hommes, quand ils invitent des gens chez eux, il a prévu combien de couverts? 5 couverts par exemple, ou 5 verres, ou 6 verres, il y en a combien? 3 de plus. La panique à la maison, la guerre, pourquoi tu ne m'as pas pris? 3, 2 personnes en plus. Imaginez-vous 1000. Tu viens avec combien? Tu lui dis juste 30 personnes en plus. Khlas, divorce. C'est elle qui va dire je te divorce 3 fois. Alors imaginez-vous tawakkul ala Allah azza wa jalla, et ça comme ils disent les ulama, la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, ça nous permet d'avoir un mode de vie idéal dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que la femme comme l'homme se retrouve ici dans la vie de tous les jours. Ici, à travers la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Elle se donne un mode de vie, cette femme-là. Elle se donne, ou il se donne, cet homme-là, un mode de vie à travers quoi? La biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Il essaye de se rapprocher au plus du mode de vie qu'avaient le prophète et les compagnons, ainsi que as-sahabiyyat, les épouses des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum jami'an. Et ça, c'est ça, l'étude et l'importance d'appliquer, et avant ça, d'étudier la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. À ce moment-là, comment on réagit? Écoutez bien, al-munafiqin wal-mu'minin, les hypocrites et les croyants. Il y a eu ici, yani, la séparation entre les hypocrites et les croyants. Et on va retrouver ici cette séparation qui a été établie clairement dans le Coran al-Karim, dans Surat al-Ahzab. Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé clairement, il a montré clairement la distinction qu'il y a entre les hypocrites et les croyants. On est d'accord? Et ensuite, il y a une autre catégorie, une troisième catégorie. Quelle est cette troisième catégorie? Alladhina fi qulubihim marad. Ceux qui ont des maladies dans leur cœur. D'accord, on a trois catégories maintenant. Les deux grandes catégories, c'est croyant, tu es croyant. D'accord? Ou bien tu es hypocrite. Là, quand on va parler des deux catégories. Soit tu fais partie des croyants, soit tu fais partie des hypocrites. Mais il y a une troisième catégorie qui, ce sont ceux qui ont des maladies dans leur cœur. Mais les hypocrites, ils ont des maladies dans leur cœur. Donc pourquoi on rajoute cette troisième catégorie? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala parle des hypocrites, comme on va le voir dans le Coran al-Karim, wa khassatan fi surat al-Ahzab, et il parle de al-munafiqin, il parle de walladhina fi qulubihim marad. Alors qu'on sait que al-munafiqin, ils ont des maladies dans leur cœur. Ici, pour rappeler que quoi? Il y a les croyants, il y a les hypocrites, et il y a les croyants qui ont des maladies dans leur cœur. Qui sont entre la croyance et l'hypocrisie, wal'iyadu billah. D'accord? Et c'est ce qu'on va voir, incha'Allah ta'ala, dans Sourate al-Ahzab, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné clairement dans Al-Qur'an al-Karim. Donc, ils ont fini la tranchée. Les femmes et les enfants furent mis à l'abri. Et il y a eu une organisation qui a été faite par le prophète, alayhi salatu wassalam. Différentes stratégies qui ont été mises en place par le prophète, alayhi salatu wassalam, pour ici répondre à l'attaque, à l'agression, je répète, à l'agression. D'accord? C'est pas leur attaque. À l'agression, ici, des agresseurs. Donc, ils ont mis en place différentes techniques. Il a réuni 3000 hommes à peu près, en face 10 000 hommes, comme on avait dit. Et derrière eux, la tribu de... Il restait qui? On avait dit qu'il y a eu les Banu Qaynuqa. Ceux-là, ils avaient été expulsés. Ça, c'était à l'époque. On avait déjà... Ils avaient été expulsés. Quand ils avaient comploté contre le prophète. C'est la première tribu juive. Ils sont sortis de Médine. Il reste deux tribus. Il y avait les Banu Nadir et les Banu Qurayza. Banu Nadir, ils ont été expulsés aussi. Ils ont été vers Khaybar. Et ensuite, et eux, Banu Nadir, Banu Qaynuqa, ils se sont tous rassemblés dans cette coalition pour attaquer le prophète, alayhi salatu wassalam. Mais il restait une tribu avec le prophète à Médine. Il y avait la tribu de Banu Qurayza. Ils étaient derrière le prophète, alayhi salatu wassalam. Regardez. Le prophète, alayhi salam, est-ce qu'il s'est dit? Khalas. Regardez. Et ça, c'est une leçon à prendre. Ça, c'est pour les extrémistes. Alors, il faut bien expliquer c'est quoi les extrémistes. Moi, je parle de l'extrémisme au point de vue religieux. Ceux qui disent, par exemple, à titre d'exemple, nos frères sont attaqués en Palestine. Donc, il y a des juifs qui attaquent des frères musulmans en Palestine. C'est une réalité. Seul l'aveugle dira le contraire. Seul le fou, al-majnoun, dira le contraire. Qu'il y a, yani, on sait très bien qu'il y a des musulmans qui sont opprimés en Palestine. Des femmes et des enfants qui sont tués. On le voit, un enfant qui a une pierre et qui sort de l'école, il jette une pierre, on dit c'est lui le terroriste. Contre quoi? Contre des chars et contre une armée. Non, abadan, ça c'est clair. Il a l'agression, il a l'agresseur, il a celui qui se défend. À la kulli hal, dans tous les cas, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'excès du côté des musulmans aussi quelquefois. Mais là je parle, à titre d'exemple, quelqu'un va nous dire, oui mais il y a, ça existe, il y a des gens qui sont opprimés en Palestine. Par qui? Par l'armée israélienne. Donc moi, je ne peux pas aller là-bas dès que je vois un juif. Alors, on ne parle même pas d'armée israélienne. Qu'est-ce qu'il a à voir le juif ici? Un juif ici, je vais le tuer pour me venger. Ah, il y a un œil pour œil, dent pour dent. C'est ça. Allah Azza wa Jalla dit وَمَنْ يَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. Celui qui vous fait du mal. D'accord? Donc agissez envers lui comme il a agi envers vous. C'est-à-dire, il t'a fait du mal, fais-lui du mal. C'est pas interpréter comme tu veux et le mettre dans n'importe quelle circonstance ou situation. Ça, il y a tafsir al-Qur'an al-Karim. Il faut savoir quand est descendu ce verset et à quel moment on applique ce verset coranique. Donc, ici, il y a des règles dans l'islam. Tu fais pas ce que tu veux, toi. Donc, ici, si la personne va réagir avec ses passions, il va dire, bon, moi, je fais ça, j'ai entendu que un musulman a été opprimé dans je ne sais quelle contrée, il a été tué par un associateur, par exemple, ou un non-musulman, ou un bouddhiste. Dès que je vois un bouddhiste à côté de chez moi, je le tue. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il y avait encore une tribu juive avec lui. Et il savait qu'il y avait une grande coalition. Et parmi eux, il y avait les juifs. Et il sait très bien que les juifs, il a très bien vu par expérience, qu'à son époque, les juifs qui avaient signé des contrats avec lui, ils ont tous trahi les contrats. Est-ce qu'il s'est dit, ikhlas, on va commencer à s'occuper par ceux, au moins par prudence. D'abord, on va s'occuper d'eux, qui sont avec nous. Ou juste par prudence. Malgré que voilà, nous on aurait dit peut-être, bon, là c'est dangereux, là, ils arrivent à 10 000, on va faire une tranchée. Il y a nos femmes et nos enfants derrière nous, on les a laissés là-bas. Il y a des personnes qui font partie d'eux, donc au moins méfiant. Le prophète, allez, salat, vous regardez la droiture, l'équité. J'ai signé un contrat avec eux, ils l'ont toujours pas transgressé, khlas. Ils sont régis sous un pacte avec nous. Ils sont en sécurité. C'est pas avec eux qu'on a le problème. Regardez, pourtant c'est des tribus qui étaient alliées les unes des autres. Ils habitaient tous ensemble. Le prophète, il a dit, c'est avec eux que j'ai pas de problème avec eux. C'est eux qui viennent m'agresser, c'est avec eux que j'ai un problème. Ouais, et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne d'énormes choses pour ceux qui raisonnent. Pour ceux qui raisonnent. Et c'est ça, al-ilm, la science. Elle te permet de distinguer entre quoi? Le bien et le mal. Al-haq ou al-batil. Le vrai et le faux. Et tu ne parles pas avec tes passions à partir du moment où tu parles avec ilm, avec science. Et la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, c'est une science énorme, énorme, pour savoir comment réagir ici, tout au long de ta vie. Ça, c'est une science énorme et très lourde. Mais il faut savoir comment la prendre et comment la mettre en application. Et pour ça, il faut étudier. C'est pas simplement écouter ou lire. Étudier la biographie du prophète alayhi salatu wassalam dans les détails. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a vu Banu Qurayza. Khlas, il les a laissés. Mais le problème, c'est que Banu Qurayza, ils ont trahi le pacte et ils ont attaqué aussi par derrière le prophète alayhi salatu wassalam. Khlas. Tu m'attaques pas, je t'attaque pas. Tu m'attaques, légitime défense. Donc le prophète alayhi salatu wassalam aussi s'est attaqué à eux après, ou plutôt, il s'est pas attaqué. Il s'est défendu contre eux. Donc ici, ils étaient pris de toutes parts. Et par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla, il a envoyé le secours. Il a envoyé des anges, le malaïka. Il a envoyé un vent. Comme on va le voir dans les détails, inshallah ta'ala, dans Al-Qur'an Al-Karim. Et on va laisser le Coran nous parler. Et on avait déjà fait le tafsir de cette surat, surat Al-Ahzab. Et on va reprendre les principaux points de cette surat, inshallah ta'ala, et méditer quelques versets coraniques concernant cette surat. Et ici, pendant cette bataille, avant de rentrer dans le vif du sujet, ici, comment Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrit cette bataille-là, on sait que quoi? Pendant qu'il y a eu cette bataille-là, ils les ont occupés, ou plutôt ils les ont distraits. Bon, pas distraits. Ils ont été la cause plutôt, parce que ce n'est pas une distraction. Ils ont été la cause que le prophète lui-même a raté Salat al-Asr. Vous savez, c'est le hadith rapporté par le Bukhari. Donc ici, ils ont raté Salat al-Asr. À cause de quoi? Ils étaient préoccupés par quoi? Pas par le jeu, pour aller faire les courses, ou pour je ne sais quoi. Non, ça c'est pas d'excuse. Ça c'était pas n'importe quelle bataille. Ça c'était bataille Ghazwatul Ahzab. Par la bataille de quoi? De la coalition. Des coalitions. Donc ils se sont tous alliés pour tuer le prophète. 10 000 hommes. Le prophète alayhi salatu wassalam, la ghalib, qu'est-ce qu'il a fait? La prière de l'Asr est passée. Jusqu'à ce que Umar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu arda est venu le voir dans une version authentique. Il a dit, Ya Rasulallah, il a dit, j'ai presque raté Salat al-Asr. J'ai prié Salat al-Asr juste avant que le soleil se couche. Le prophète, il a dit, Ya Umar, moi j'ai même pas encore fait l'Asr. Il dit, moi j'ai même pas encore salé l'Asr. Ça, attention. Ça, c'est pas une permission. Bon, quand j'ai des cours, il y a une excuse, là. Regarde, une excuse. Il va comparer le fait d'aller faire ses courses à Géant, ou à Leclerc, avec le prophète, alayhi salam, qui était affamé, et qui était en train de prévoir quoi? une des plus grandes guerres qui a marqué l'histoire islamique, il va dire, bon, c'est pareil, j'ai une excuse. Non, c'est pas un udhr. Pourquoi? C'est pas une excuse. Pourquoi c'est pas une excuse, dans tous les cas? Donc si on va dire, d'accord, je suis d'accord avec toi, pour faire les courses à géants, c'est pas une excuse. Mais si, par exemple, après les compagnons, ils étaient dans une guerre, par exemple, est-ce que c'était légiféré pour eux, ou excusable, on va dire, de rater une prière à son temps? Pourquoi? C'était pas encore légiféré, salat al-khawf. La prière de la peur. La prière de la peur, elle a été légiférée qu'après. Et la prière de la peur, ça c'est un sujet qu'on a vu et qu'on reverra inch'Allah en jurisprudence. Donc au lieu de faire 4 unités de prière, tu fais 2 unités de prière et tu rassembles la dhuhr et l'asr, etc. Il y a un allègement concernant la prière quand tu fais salat al-khawf. La prière de la peur. Et ça, la prière de la peur, elle est effectuée. Et le prophète alayhi salatu wassalam, ça a été légiféré à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Mais après cette bataille-là, dans des situations comme celle-là. C'est-à-dire où ils risquent, ils ont peur de perdre leur vie. Donc ici, il faut toujours qu'il y ait une troupe, il y ait un groupe de musulmans qui combattent, mais à côté, en même temps, il faut qu'il y ait quoi? Il faut qu'il y ait un autre groupe musulman qui ne délaisse pas quoi? Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta, l'acte d'adoration le plus important en islam. As-salat. Donc il y avait des musulmans qui priaient, d'autres musulmans qui combattaient. Et il y a différentes façons de la faire. L'imam il reste le même, ils font 2 rak'at, l'imam il en fait 4, donc il en fait, on garde le même imam, ils en font 2, ils font at-taslim, ils partent combattre, les autres reviennent et ils finissent 2 rak'at. Donc l'imam il en a fait 4, eux ils en ont fait 2. Parmi les façons de faire salat al-khawf. Regardez. Donc Allah Azza wa Jal, après cet événement-là, il n'a pas légiféré de délaisser la prière à son temps, même au moment où tu risques de perdre ta vie. Alors quelle est la réponse à donner à ceux qui disent « Oui, mais je travaille. » Je travaille, je vais pas perdre mon emploi, mon frère. Attends, faut pas exagérer, t'es un peu extrémiste. Je vais perdre mon emploi alors que pour une prière. Subhanallah. Eux, ils devaient perdre leur vie peut-être. Ils avaient un rendez-vous avec Al-Maut, la mort. Et la guerre, c'est pas ce qu'on voit au jour d'aujourd'hui, la guerre d'aujourd'hui. Imaginez-vous, la guerre, comment c'était à l'époque? C'était épée contre épée. Si t'étais pas fort, dès que le wadi akhi. Si t'étais pas quelqu'un de costaud, c'était ton épée, son épée va porter juste l'épée qu'ils avaient à l'époque. C'était vraiment du face à face. Et donc, on voit que malgré cela, Allah Azza wa Jalla n'aura pas permis de, vous pouvez ici délaisser la prière à son temps. C'est quoi le temps des prières, rapidement? Attention. C'est pas salat al-dhuhr, c'est à 14h30. Je le répète, c'est quelque chose de base. Mais ici, il y a des gens qui ne savent pas. Ici, 14h, salat al-dhuhr. Donc si c'est 14h15, la prière est sortie de son temps. Non. Il y a des temps. Comme Jibril alayhi salam a montré ses temps et a indiqué ses temps bien clairement dans de nombreux hadiths authentiques au prophète alayhi salatu wassalam. Salat al-subh. La prière du matin, c'est quoi son temps? Entre le fajr et al-shuruq. D'accord? Entre l'aube et le lever du soleil. Ça, c'est son temps. Passer ce temps-là, c'est plus son temps. Est-ce qu'on peut faire la prière après son temps? Qawlu rajih min ahli al-ilm, on peut pas. Pourquoi? Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière a été prescrite pour les croyants à des heures bien définies, bien prescrites, bien claires, bien définies. C'est pas comme tu veux, tu pries quand tu veux, tu fais ce que tu veux. Non. Ça fait partie de la législation islamique. C'est un acte d'adoration, les actes d'adoration. Il n'y a pas droit d'avoir d'ajout ou de diminution sans preuve du Coran ni de la Sunna. D'accord? Donc ici, tu n'as pas droit de faire sa prière en dehors de son temps. Salat al-dhuhr, c'est quand? Salat al-dhuhr, c'est entre dhuhr et l'asr. Donc si l'asr c'est à 18h, si tu pries à 17h45, c'est son temps. Mais qu'est-ce qui est mustahab? Comme on dit, jumhur ahli al-ilm, la majorité des savants, c'est de faire sa prière en au premier temps. Mais si tu l'as fait à 17h45 et salat al-asr c'est à 18h par exemple, c'est son temps, il n'y a pas de problème. Salat al-asr, c'est entre l'asr et al-maghrib. D'accord? Mais il y a certains savants qui ont dit, il y a waqtu d'arouri, un temps qui est, d'accord, où tu ne dois pas dépasser sauf en cas de nécessité. C'est-à-dire, c'est quand le soleil commence à se coucher, ça y est. Parce qu'on sait que le soleil se couche entre les cornes de shaitan. Donc à ce moment-là, on rentre dans waqtu d'arouri, bien que le soleil ne se soit pas couché. C'est quand les savants ont dit une demi-heure à peu près avant salat al-maghrib. D'accord? Donc si salat al-maghrib c'est à 20h par exemple, donc ici t'as l'asr, c'est à 18h, t'as de 18h jusqu'à 19h30. Si vraiment t'avais une excuse, t'as fait tout à... Khlas, tu as jusqu'à 20h. Salat al-maghrib jusqu'à salat al-isha. Donc l'heure d'entrée de l'isha. D'accord? Et salat al-isha jusqu'à la moitié de la nuit. C'est quoi la moitié de la nuit? La moitié de la nuit, ce n'est pas jusqu'à minuit. La majorité des savants, ou la majeure partie des savants disent, et c'est ça la vie le plus prépondérant, inshallah ta'ala, c'est que c'est quoi? C'est la moitié de la nuit, ce n'est pas minuit. Salat al-maghrib, c'est à 20h. Salat al-subh, à titre d'exemple, c'est à 6h du matin. Donc on prend la moitié, on fait 20h jusqu'à 6h du matin, il y a combien d'heures? 10 heures. Donc on rajoute 5 heures à 20 heures. Ça fait 20 heures. 1 heure du matin. Khalas. C'est ça, la moitié de la nuit. Khalas. Donc ça, c'est les heures de prière. Si quelqu'un va me dire, j'ai pas le choix, je suis dans une journée où c'est impossible que je fasse ma prière. De temps en temps, le prophète alayhi salatu wa sallam l'a légiféré. Il a légiféré quoi? Le fait de rassembler al-dhor ou al-asr, ou bien al-maghrib ou al-isha. Soit jam'u taqsir, ou bien jam'u ta'khir. C'est-à-dire, soit tu rassembles al-dhor avec al-asr, alors de dhor ou alors de l'asr, mais tu les diminues pas, tu les laisses 4 unités de prière. Ou soit tu rassembles al-maghrib ou al-isha, alors de l'maghrib ou alors de l'isha. D'accord? Le maghrib, tu la laisses 3 et l'isha à 4. Ça, tu le fais de temps en temps. Le prophète, il l'a déjà fait, sans cause de pluie. D'accord? Il n'y avait pas de raison. Et quand on l'a interrogé, le prophète, il a rappelé que c'était quoi? C'était à titre de miséricorde pour la communauté, pour pas causer de gêne à sa communauté, comme le prophète, alayhi salatu wassalam, l'a dit, fils sahih. Clair? Donc ici, il y a deux excès. D'autres personnes qui donnent 1000 explications pour dire non, tu n'as jamais le droit de le faire. Ça, c'est un excès. Et d'autres personnes, ils disent, tu peux toujours le faire. Alors, le prophète l'a fait, non. Abadan, le juste milieu, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Kama qala al-ulama, c'est quoi? C'est-à-dire que si tu le fais de temps en temps, pour pas contredire un verset coranique. C'est quoi le verset coranique? Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière a été prescrite aux croyants à des heures bien définies. Donc si tu contredis pas ce verset coranique, tu peux l'appliquer. C'est-à-dire que la majeure partie du temps tu les fais à l'heure. Mais de temps en temps tu es dans une situation où vraiment tu n'as pas le choix. Donc c'est quoi le mieux? Laisser partir la prière de son temps, ou alors utiliser cette rukhsa, cette permission du prophète alayhi salatu wassalam, parce que tu te retrouves dans la gêne. Donc l'akhlas, tu fais salat al-dhur avec salat al-asr, si c'est de temps en temps. D'accord? Ala kulli hal, c'est un sujet de jurisprudence, mais il n'y a pas de mal, inshallah ta'ala, de l'inclure dans la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Salat al-asr, c'est salat al-wusta chez la majeure partie des savants. Chez jumhur al-ulama, chez la majorité des savants. Salat al-Asr, ad-Dalil, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit quand ils l'ont, ici, il n'a pas prié Salat al-Asr, il a dit dans le hadith rapporté par al-Bukhari et d'autres, il a dit, shagalouna an salat al-Wusta, ils nous ont, occupés ou préoccupés, d'accord, ils nous ont empêchés de quoi? De faire Salat al-Asr, Salat al-Wusta, il a dit Salat al-Wusta. Et Salat al-Wusta, c'était Salat al-Asr. Parmi les preuves qu'ont utilisé les savants qui ont dit que Salat al-Wusta, la prière médiane, c'est la prière al-Asr, c'est ce hadith-là. Pourquoi on dit Salat al-Wusta et pourquoi elle a une importance énorme? Allah Azza wa Jalla en parle dans le Coran al-Karim. Et qu'est-ce qu'il dit? Hafidhu ala salat, salawat wa salat al-Wusta. Préservez vos prières, regardez. Et particulièrement la prière médiane. Allah il dit dans le Coran, Salat al-Wusta. C'est quoi Salat al-Wusta? D'après ce hadith de Bukhari et d'autres, le prophète alayhi salam a rappelé que Salat al-Wusta, c'est Salat al-Asr. Et le prophète alayhi salatu wassalam a rappelé dans de nombreux récits prophétiques authentiques la valeur, l'importance, al-fada'il, les mérites, les bienfaits de Salat al-Asr. À titre d'exemple, rapporté par Bukhari Muslim, le prophète alayhi salam a dit « Man salla al-bardayn dakhala al-jannah, Salat al-Asr wa Salat al-Subh. » Celui qui prie les deux prières de la fraîcheur entre au paradis. C'est les quoi les prières de la fraîcheur? C'est Salat al-Subh et Salat al-Asr. Donc Salat al-Asr. Le prophète alayhi salam dans Sahih Muslim, il rappelle que celui qui a délaissé Salat al-Asr, c'est-à-dire qu'elle est sortie de son temps. Ah, sortie de son temps. On a expliqué Salat al-Asr, son temps, c'est jusqu'à quand? Le Maghreb. Une demi-heure avant le Maghreb. D'accord? Après, on passe waqtu ad-daruri. Clair? Celui qui laisse passer Salat al-Asr après son temps. D'accord? De son temps. Avant, on revient un peu en arrière. Est-ce qu'il a le droit de la faire après l'Asr? Il l'a fait ou pas? Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, parmi les ulama, il dit qu'il l'a fait pour sa conscience. Par prudence, il l'a fait quand même. Lakin, au niveau des preuves tirées du Coran et de la Sunna, comme il dit Ibn Hazm, wa ghayru rahimahullah ta'ala, il dit quoi? Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est pas l'heure. L'heure, c'est l'heure. Claire. Il dit toute personne qui prétend, d'accord, Ibn Hazm, il est contre toute personne ou cet avis-là. C'est-à-dire qu'on a droit de la faire après son temps. Pourquoi? Il dit, est-ce qu'on a le droit de faire la prière avant son temps? Par exemple, Salat al-Dhuhr, c'est à 14h30. Est-ce que quelqu'un ou un savant ou une personne va apporter une preuve en disant t'as le droit de faire Salat al-Dhuhr à 14h? Je ne parle pas de Yom al-Jumu'ah où il y a un khilaf. Qawlu raja' min ahli al-ilm, même Jumu'ah, Salat al-Jumu'ah, tu n'as pas le droit de la faire avant son temps. Ça c'est la parole la plus prépondérante ici et c'est la vie le plus sûr. Et l'ajna da'im, ici le comité permanent des savants d'Arabie Saoudite ont donné cette fatwa là qu'on ne pouvait pas la faire avant son temps. À la kulli hal, certains savants l'ont autorisé, d'accord, surtout ceux qui ont des causes. Ici, il n'y a pas unanimité sur cette question là, mais je parle des autres prières de la semaine. Des autres prières de la semaine. Est-ce qu'une personne peut la faire après son temps? Non. Ibn Hazm dit avant son temps, on ne peut pas la faire. Salat al-Dhur, c'est à 14h30. Prie-la jusqu'à l'Asr si tu veux, mais pas avant son temps. Donc il dit, comment vous prétendez qu'on peut la faire après son temps? C'est la même chose. Si tu ne peux pas la faire avant, tu ne peux pas la faire après. Sinon, il faut une preuve du Coran ou de la Sunna. S'il n'y a pas de preuve, on s'arrête là. La prière est à son temps, sinon tu dois faire une tauba, repentir. Les conditions du repentir, c'est quoi? C'est de regretter ce que tu as fait, délaisser le péché et avoir la ferme résolution de ne plus recommencer. D'accord? Tu te repens et tu avances. Khlas. Donc pour vous montrer la gravité de, du fait de délaisser la prière en son temps. Ala kulli hal, salat al-asr, celui qui la délaisse en son temps. Salat al-maghrib est rentré, il n'a pas prié salat al-asr. Le prophète alayhi salat wa salam, il dit dans un hadith rapporté par al-Bukhari wa Muslim, il dit, alladhi tafutuhu salat al-asr, faka'annama wutira ahlahu wa malahu. Celui dont la prière de l'asr passe, c'est-à-dire il n'a pas pris l'asr à son temps, c'est comme s'il avait perdu toute sa famille et tous ses biens. Toute sa famille et tous ses biens. Les savants, ils disent, c'est comme si tu rentrais chez toi, on te disait, toute ta famille est morte. Toute ta famille est décédée. Tes enfants, ton épouse, tes parents, tes... toute ta famille et tous tes biens, ton compte en banque. Ah, là, ça fait mal. Tout, t'as plus rien. Banqueroute. Zéro. Tu te retrouves sans argent et sans famille, sans enfants. Vous imaginez la catastrophe. Le prophète, alayhi sallam, dans Sahih al-Bukhari, wa Muslim, fait Sahihain, il dit quoi? C'est comme si tu avais perdu tous tes biens et toute ta famille. Salat al-Asr, salat al-Wusta. Salat al-Wusta, pourquoi certains savants ils disent c'est la prière médiane? Médiane par rapport à quoi? Par rapport à la journée, la milieu de la journée. Ça casse la journée. Et en général, salat al-Asr, c'est une des prières où les gens ont beaucoup de mal à la faire à cause de quoi? À cause de soit l'école ou soit le travail. D'accord? C'est très difficile. Soit l'école, soit le travail, etc. D'accord? Quelqu'un me dit, mais salat al-Subh et salat al-Isha. Salat al-Subh et salat al-Isha, il y en a pour salat al-Subh et salat al-Isha. La prière la plus lourde pour le munafiqin, c'est quoi? Salat al-Subh et salat al-Isha fi sahih. Le prophète, il a dit la prière la plus lourde pour l'hypocrite, c'est quoi? Salat al-Subh et salat al-Isha. Regarde les mosquées à salat al-Subh et regarde les mosquées à salat al-Isha. Hadithu la haraj bi qawsin, vous savez entre guillemets la réponse. Ala kulli hal ayyuhal akhyar, ici, le prophète alayhi sallam a dit aussi, man taraka salat al-Asr faqad habita 'amalu. Celui qui a délaissé dans Sahih al-Bukhari, An-Nasa'i et d'autres, celui qui a délaissé salat al-Asr, c'est comme où il est considéré comme une personne dont toutes ses actions ont disparu. Toutes ses actions sont devenues vaines. Toutes ses actions. Il y a un khilaf entre savants. Est-ce que c'est toutes ses actions de sa vie, etc. À la kulli hal, qawlu rajih min ahli al-ilm, c'est les actions de quoi? De la journée. Toutes tes actions de la journée, ils sont devenues vaines, annulées. Celui qui a délaissé salat al-Asr. Donc c'est comme si tu as perdu tes biens. C'est comme si tu as perdu. Regardez, ad-dunya wal-akhirah. C'est comme si tu as perdu tes biens. C'est comme si tu as perdu aussi ta famille et toutes tes actions, même tes actions qui te servent pour le-delà. C'est pas que les biens, l'argent, ad-dunya et ainsi que la famille. Non, même tes actions, ils deviennent vaines. Salat al-Asr wa hafidhu ala as-salawat was-salat al-wusta. Allah il le dit dans le Coran al-Karim. Préservez vos prières et particulièrement, d'accord, la prière médiane, c'est-à-dire chez la majorité des savants, salat al-wusta. Et ici, la guerre Ghazwatul Ahzab a débuté, ou alors on va débuter Ghazwatul Ahzab, incha'Allah ta'ala, qu'en citant les versets coraniques ou certains versets coraniques de Surat Al-Ahzab. Allah Azza wa Jal, comme je vous ai dit, il a parlé de trois catégories. Deux grandes catégories et une troisième catégorie. Il y a les croyants, il y a les hypocrites, il y a ceux qui ont des maladies dans leur cœur. Alladhina fi qulubihim marad. Et souvent dans le Coran Al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de ceux qui ont des maladies dans leur cœur. Pourquoi? Kama qala al-ulama, c'est quoi le plus grave? D'avoir une maladie du corps ou qui touche ton corps ou ton cœur? Tout le monde va répondre, certes, parce qu'on est dans le contexte. Non, avec des preuves ou alors avec un exemple concret. C'est quoi le plus grave? Le cœur, pourquoi? Khalas, direct. Il y a plusieurs catégories de maladies dans le cœur. Il y a le cœur malade, il y a le cœur mort. D'accord? Il y a le cœur malade, il y a le cœur mort. Khalas, c'est quoi la réponse? C'est la base, d'accord, ça on sait tout ça. D'accord, le prophète a dit, il y a un morceau de chair dans le corps, si le corps est, ce morceau de chair est bon, d'accord, tout le reste du corps est bon ou pur. Et si ce morceau de chair est quoi, corrompu, tout le reste du corps est corrompu, ala wahi al-qalb. Et le prophète a dit, c'est le cœur. C'est le cœur, c'est al-malik, c'est le roi, on le sait. Et les membres, c'est quoi? C'est les soldats. Toi, tu as la vue, tu as l'ouïe, tu as les mains, tu as les pieds. Mais eux, c'est des soldats, khlas. Ils sont, on va dire, ils font rien. Ils font rien si le cœur ne donne pas l'ordre. Mais si le cœur, il donne l'ordre de regarder le haram, tu vas regarder le haram. Si ton cœur, il est mauvais, tu vas regarder le haram, car ton cœur mauvais va donner l'ordre à l'œil de regarder le haram. Si ton cœur est pur, ton cœur il va donner l'ordre à ton œil de voir le halal. Si ton cœur est pur, qalbun salim, un cœur saint, il va donner l'ordre à quoi? À tes membres d'aller dans les endroits saints. Si ton cœur il est quoi? Fasid, il est corrompu, qu'est-ce qu'il va donner comme ordre? Il va donner l'ordre à quoi? Aux soldats. Ils exécutent ton œil, ton ouïe, etc. Ça exécute ce qu'il y a dans ton cœur. D'accord? Ça, on le sait. Mais regardez comme on dit les savants. Celui qui a le cœur malade, il a perdu ad-dunya wal-akhira. C'est vrai ou pas? Parce que le cœur, ici, c'est ce qui va te permettre de rencontrer Allah, de rencontrer ton Seigneur tabaraka wa ta'ala au jour de la résurrection, alors qu'Allah azza wa jalla est satisfait de toi. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. D'accord? Donc on sait que le jour où ni bien ni enfant ne te profiteront en rien, sauf pour celui qui vient auprès d'Allah azza wa jalla avec un cœur saint. Amma al-jasad, amma al-badan, ton corps, il va te servir à quoi après ta mort? Il va être mangé par quoi? Ad-doud. Donc regardez, ça c'est la première preuve concrète, d'accord? Que le cœur, c'est plus important que le corps. Être malade du cœur, c'est plus grave que d'avoir une maladie qui touche le corps. Ton corps, tu as mal. Tu te rends compte directement que tu as mal. Si tu as mal à la tête, tu sais que tu as mal à la tête. Tu sais qui aller voir, le médecin. Le médecin, il te donne un médicament directement, c'est automatique. Et t'as le souci énorme. Alors que ce corps ne te profitera en rien au jour de la résurrection. Amma le cœur, il y a des gens qui pendant des années et des années ne se rendent même pas compte qu'ils sont malades. Et ils ne se préoccupent même pas de savoir est-ce qu'ils ont des maladies dans leur cœur ou pas. Alors que d'être malade du cœur, c'est plus grave que d'être malade du corps. Pourquoi le corps? Ça, son résultat c'est quoi? Tahta al-ard, il va être mangé par doud. Amma le cœur, il va te favoriser soit l'entrée au paradis ou soit l'entrée en enfer. Wal'iyadu billah. Donc regardez l'importance d'avoir quoi? Un cœur saint, un cœur pur. Et le cœur pur, c'est celui qui est quoi? Qui est épargné des maladies du cœur. Tu peux avoir des maladies, personne n'est à l'abri d'avoir des maladies. Mais le principal, c'est de quoi? De se rendre compte que tu as des maladies. Et de savoir comment guérir tes maladies. Je vous renvoie à la conférence Amrad al-Quloub, la maladie des cœurs et ses remèdes qu'on a fait déjà. Donc ici, il faut se rendre compte que tu as des maladies dans le cœur. Et quand tu as la maladie dans le cœur, comment tu vas la guérir? Toi, maintenant, tu sais. Ah, j'ai mal au poumon, je vais aller voir un pneumologue. J'ai mal aux yeux, je vais avoir un ophtalmo. J'ai mal... Ça, c'est clair. Lakin, ton cœur, tu vas aller voir qui? Tu vas aller voir le boucher? Tu vas aller voir le charcutier? Tu vas aller voir qui? Tu vas aller voir qui? Hein? Celui qui est doté de science et de hikmah, de sagesse. C'est celui-là qui va quoi? Qui va guérir ton cœur. Ah, mais tu vas aller voir qui? Le dentiste pour aller guérir ton cœur. Subhanallah. Donc ici, chacun a son art, son fun. Chacun a son art. Quand tu es malade, est-ce que tu vas dire je vais voir un médecin tout? Non. Ah là, c'est une maladie qui touche. Là, je vais voir l'ophtalmo. C'est une maladie qui touche mes poumons. Je vais voir un spécialiste. C'est... Mais quand tu es malade du cœur, c'est une maladie plus grave qu'être malade par un mot qui a touché ou un mal plutôt qui a touché ton corps. Tu vas aller voir qui? Le spécialiste, c'est qui? C'est al-ulama, rahimahumullah, tabaraka wa ta'ala, wa hafidhahumullah, ceux qui sont vivants. Et ici, il n'y a pas que les savants. Il y a toute personne qui est dotée de hikmah et qui peut te faire montrer tes maladies. Et c'est lui qui va t'aiguiller comment guérir tes maladies. Et il y a plusieurs solutions de guérir ces maladies. Mais parmi les premières causes, c'est de quoi? C'est de... Quand tu as trouvé celui qui va guérir tes maladies, tu acceptes les conseils, tu les mets en application. Sinon, à quoi ça sert? Si tu vas voir le médecin, il te dit, bon voilà l'ordonnance. Tu prends l'ordonnance, tu dis, oh, peu importe. Khlas, tu as été voir le médecin. Il t'a donné une ordonnance. Ou alors, il va te dire, pendant une semaine, tu suis l'ordonnance. C'est-à-dire, tu suis ici les prescriptions que je t'ai données. Toi, tu vas faire deux jours, tu vas dire, Allah, il baraka. Même, c'est prouvé maintenant, aujourd'hui, que si tu suis pas vraiment du début jusqu'à la fin, peut-être que ça ne sera pas vraiment efficace pour que tu guérisses par la permission d'Allah Azza wa Jal. Ah, mais si tu vas voir un al, ou tu vas voir un frère, ou tu vas voir une sœur, une personne qui te conseille avec des preuves tirées du Coran et de la Sunna avec Bifahmi Salafil Umma, et tu n'acceptes pas, tu ne mets pas en application, à quoi ça sert? Rien du tout. Ton cœur, tu auras reconnu ta maladie, mais tu n'auras rien fait pour guérir ta maladie, tu auras un cœur malade. وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ المنافقون والمؤمنون والذين في قلوبهم مرض. Le croyant, c'est celui qui montre de façon cachée et apparente son appartenance à l'islam. Apparente et cachée. C'est-à-dire, c'est lui qui dit, je crois en Allah Azza wa Jal. D'accord? Il croit en Allah subhanahu wa ta'ala. Et il prouve, car l'iman, c'est quoi la foi? C'est quoi la foi? Qawlun bil lisan. C'est une parole avec la langue. D'accord? Et quoi encore? C'est une conviction avec le cœur et quoi? L'application avec les membres. Ça, c'est l'iman. C'est pas que je crois en Allah Azza wa Jal, Allah est dans mon cœur et je bois de l'alcool toute la journée. Il est où Allah dans ton cœur? Subhanallah, Allah il est dans mon cœur. Si toi tu aimes un enfant et tu l'insultes, et tu lui donnes aucune attention, tu le regardes même pas, tu t'en occupes pas. Est-ce qu'on va dire celui-là, il aime son enfant? Non. Pourquoi? Mais il va dire j'aime, ça c'est ton intention. Mais prouve. Offre-lui des cadeaux, comporte-toi bien avec lui, avec ton épouse, etc. Donc tu dois prouver cet amour. C'est pareil, j'aime Allah, mais je fais rien pour Allah. Kedhab, t'es un menteur. Le moins qu'on puisse dire, t'as quoi? T'as des maladies dans le cœur. Ça c'est le moins qu'on puisse dire. Le pire, c'est quoi? Tu fais partie des hypocrites, wal'iyadu billah. Ça c'est le croyant. C'est-à-dire, zahiran wa batinan, il montre son appartenance à l'islam. Al-istislam lillahi azza wa jalla, la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Amma al-munafiq, qu'est-ce qu'il fait l'hypocrite? Allah azza wa jalla, qu'est-ce qu'il dit? Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Quand il parle des croyants véridiques pendant Ghazwatul Ahzab, comme on le verra inshallah wa ta'ala. Quand on leur a dit, ils sont là, ils sont présents, etc., ceci n'a fait qu'accroître quoi? Leur croyance et leur soumission. Ah, pourquoi Allah azza wa jalla sépare entre croyance et soumission? Al-iman wa al-istislam. Parce que le munafiq, il va montrer sa soumission. D'accord? Comme à l'époque du prophète, les hypocrites, ils priaient avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Abdullah ibn Saba, ils priaient avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Ils étaient proches du prophète, alayhi salatu wassalam, de façon extérieure. Mais à l'intérieur, ils voulaient du mal à l'islam, ils croyaient pas en Allah et en son messager. Ou si ce n'est en, au prophète, alayhi salatu wassalam. Donc ça, c'est le, l'hypocrite, il va montrer de façon extérieure son appartenance à l'islam. Peut-être il va prier avec toi. Peut-être il va lire le Coran. Mais à l'intérieur, c'est un hypocrite. Il fait ça que pour se montrer devant les gens ou pour faire du mal à la communauté. Mais tandis que le croyant, il a sa croyance dans le cœur et il le montre de façon extérieure. Non seulement il croit, mais il met en application. C'est pour ça qu'Allah, quand il parle des croyants, il dit quoi? Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Les deux. Pour rappeler qu'ils sont pas hypocrites. Ils n'ont pas de maladie dans leur cœur. Mais ils ont la croyance et la soumission. Tandis que les autres, dont j'ai parlé d'eux avant eux, ils ont la soumission mais n'ont pas la croyance. Et ça c'est une grande différence. Et ça c'est la séparation qu'il y a entre quoi? Al-munafiqin et al-mu'minin. Les hypocrites et les croyants. Et ceux qui ont des maladies dans leur cœur, ils restent toujours dans, dans le doute. Ils sont entre l'hypocrisie, wal'iyadu billah, et la croyance. Ils restent musulmans, ils restent croyants. Mais ils sont très influençables et ils peuvent faire énormément de mal à la communauté. Énormément de mal, comme ils ont pu faire énormément du mal à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Mais aujourd'hui, on retrouve des gens qui ont quoi? Des maladies dans leur cœur, qui agissent de la même façon que ceux qui avaient des maladies dans leur cœur à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam ont agi. Et c'est pour ça que Allah azza wa jalla, il a enjoint le prophète alayhi salatu wassalam de les éloigner des rangs. Comme on va le voir, inshallah ta'ala, dans le cours prochain. Là, je pensais qu'on avait le temps, inshallah ta'ala, de parler de ces versets coraniques qui concernent la bataille de, des coalisés, l'Ahzab. On verra ça la semaine prochaine. Et demain, bi'idnillah azza wa jalla, on continue avec le cours de jurisprudence de fiqh. Après salat al-maghrib, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa jazakumullah.